Putain si tu savais, putain si t'avais vu la scole. Putain si tu savais, putain si t'avais vu. Putain si tu savais, m'appelle c'est toi qui m'as sauvé. La rue comme souvenir, un grec de 7-Up. Mon cœur qui s'envenime, m'appelle y'a trop de souvenirs. Personne nous a tendu la perche, aujourd'hui ça roule en Porsche. Que tes frères regardent la pêche, j'avais zéro dans les poches. C'est bien moi ton seul apache, c'est moi qui te fais l'amour sous piche. De pacha non repêchable, j'ai pris du temps pour la pécho. Tu racontes que tu l'aimes, mais c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. C'est moi ma gueule. Ce soir m'appelle, dis non non non. Tu racontes que tu l'aimes, mais c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Ce soir m'appelle, dis non non. Ce soir m'appelle, dis non non non. À la muerte, ce soir m'appelle, dis non non non. Oulala, c'est pas des lol. Ma belle se noie dans ses larmes. Toi tu racontes que tu l'aimes, putain m'appelle, qu'est-ce qu'elle a mal. Donner de son temps par amour, elle était prête à être mère. Oh baladé, je l'ai trop baladé. Allô, je suis vers là-bas et je disparais comme Aladdin. Toute l'année t'es dans la bulle, putain son cœur tu l'abîmes. Connecté de bout en bout, ma belle son cœur tu l'abîmes. Tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Dis non ma gueule. Ce soir m'appelle, dis non non non. Tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Ce soir m'appelle, dis non non. Ce soir m'appelle, dis non non non. Un grec de 7-Up, mon cœur qui s'envenime. Putain je peux pas parler ma belle, y'a trop de souvenirs. Let's go. Un grec de 7-Up. Tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'était dit à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Ce soir m'appelle, dis non non non. Tu racontes que tu l'aimes et c'est toi qui lui fais du mal. M'appelle pas Mia Mal, on s'est dédié à la muerte. Y'a pas de nanani nanana, ce soir m'appelle, dis non non non. Ce soir m'appelle, dis non non non. A la muerte, ce soir m'appelle, dis non non non.